tu es là. J'aimerais tant parler avec toi. Comme un vent sous ce vent chaud qui m'enlace. Je voudrais que tu respires mes mélodies qui s'entrelacent. Si seulement en hurlant mes mots puissants, tu pouvais me revenir. Tu m'as dit du haut de ce rocher, coûte que coûte, je dois continuer. Maintenant c'est pourtant parce que je ressens. Reviens et rappelle-moi nos vérités d'avant. Si souvent, oui je sais, nos différends. Mais à présent, je voudrais que tu saches une main. كرهت اليوم اللي رحلتي بعيد خليتيني وحدي هنا. كتير الطايح يصير عرتفك من غيره ما نسوى. صبرتي وجريتي علمتيني كيفاش نشوف الدنيا. غالف توا سورمون تو مو ديرا مو je ne te vois plus. Reste encore, j'ai besoin de te dire que ce jour-là, sur ton lit, belle comme je sais, tu as su afficher ce beau sourire et mon malgré ta souffrance, parlons-en, tu me le dois. Langage d'innocence propre à toi. Ok, je sais, tu dois y retourner. Ta réponse, oui c'est une vérité. Je comprends mieux qu'avant une affection. Un me disant ces choses rien qu'avec tes yeux et mon. Aujourd'hui, pardonne-moi tout simplement. Comme avant, car tu sais que je t'aime humain. كرهت اليوم اللي رحلتي بعيد خليتيني وحدي هنا. كتير الطايح يصير عرتفك من غيره ما نسوى. صبرتي وجريتي علمتيني كيفاش نشوف الدنيا. Relève-toi, sûrement tu me diras Yuma. كرهت اليوم اللي رحلتي بعيد خليتيني وحدي هنا. كتير الطايح يصير عرتفك من غيره ما نسوى. وجريتي علمتيني كيفاش نشوف الدنيا. غلفت وا سورمون تو مو ديرا.